travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. C'est la rivière de la météorologie nationale. Oui, de tout temps, on a trouvé que les saisons ne correspondaient pas à ce qu'on en attendait. C'est pas absolument nouveau. Nous avons trace à la météo nationale d'une circulaire adressée aux préfets qui date de 1821 et qui leur demande de faire des enquêtes dans leur région pour savoir les raisons du dérèglement des saisons. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On tend quelquefois à penser que l'angoisse que fait naître parmi nos contemporains la dégradation générale du climat sur notre planète serait une chose nouvelle. Que parmi toutes les peurs que les hommes ont affrontées dans la longue durée, celle-ci serait inédite. Qu'ils ne se seraient souciés que tout récemment des conséquences de leur façon de vivre sur les équilibres ou sur les déséquilibres de la planète. Or il se trouve que rien n'est moins vrai. On peut remonter au moins jusqu'au temps des grandes découvertes pour y rencontrer une préoccupation qui était déjà répandue, celle des conséquences climatiques des diverses initiatives que nos congénères ont pu développer en influençant la nature sous toutes les latitudes. Certes, la puissance écrasante des révolutions industrielles depuis plus de deux siècles a accru formidablement la pesée de notre espèce sur le destin de la Terre et elle a suscité des évolutions qui paraissent sans commune mesure avec les effets antérieurs de ces interventions. Mais il y a bien longtemps que les savants, les explorateurs, les philosophes, les politiques se sont mêlés d'y songer, entre optimisme et pessimisme et selon de remarquables va-et-vient de génération en génération. Les forêts, les océans, les glaciers ont été d'âge en âge au centre de multiples affrontements scientifiques et géopolitiques. Afin de faire revivre ceci, j'ai convié Fabien Locher, chercheur au CNRS, parce qu'il vient de publier en complicité avec Jean-Baptiste Fressoze, un ouvrage important auquel ils ont donné un beau titre, Les révoltes du ciel, et qui retrace cette histoire. On y retrouve au passage la colonisation, la religion, l'esprit national, l'État et le capitalisme, avec une attention spécifique portée à la France, parce que depuis la Révolution jusqu'à la Troisième République au moins, beaucoup de débats s'y sont concentrés. Quand les océans franchiront les landes et que les volcans brûleront des cendres, quand même le ciel ne tiendra plus debout, et qu'il tombera pêle-mêle en milliards de cailloux. Auront fondu les grands glaciers du nord, il ne restera plus ni frère, ni feu, ni réconfort. Quand même les oiseaux nous croiront devenus fous d'avoir noirci les eaux, blanchi les forêts d'acajou. Quand on aura creusé si profond la terre, et qu'on aura vidé la dernière bouteille d'espoir, quand auront fondu jusqu'aux neiges éternelles, ne restera plus ni vent, ni vie, ni étincelle. Fabien Locher, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre une chanson du chanteur québécois Alexandre Poulain qui remonte à 2013, une chanson qui s'intitule « Le dernier des glaciers ». La tonalité est assez morose, mais elle correspond bien aux propos et aux angoisses de beaucoup de ceux que vous ressuscitez dans votre livre. Tout à fait. D'ailleurs, la figure du glacier qui recule, ou aussi, par ailleurs, du glacier qui avance et qui envahit tout, c'est vraiment une grande figure qui traverse notre livre et qu'on peut pister hein, jusqu'à l'époque moderne. Le glacier comme sentinelle des grandes transformations climatiques, c'est quelque chose qui a une très longue histoire et une histoire qui s'enracine dans la modernité. Nous allons rencontrer beaucoup de glaciers dans notre conversation, beaucoup d'arbres aussi, l'eau, la forêt, leur cycle. Voilà qui est central, continuellement. Tout à fait. Alors notre livre a une thèse principale, hein, c'est que finalement les débats, les controverses autour de l'agir humain sur le climat ont une très longue histoire. Et une histoire qui s'enracine dans la question de la déforestation et la forestation. Parce que la grande idée qui traverse tout le livre et qui remonte au moins jusqu'au 15e siècle, c'est l'idée selon laquelle transformer les forêts, ça serait transformer le climat. C'est vraiment l'idée d'un agir sur le cycle de l'eau, pas sur le cycle du CO2 comme aujourd'hui, mais vraiment sur le cycle de l'eau. En coupant les arbres, on assécherait par exemple des terres, des îles entières, des régions, voire des continents. En plantant des arbres, on pourrait restaurer des climats, faire reculer des déserts. Nous allons regarder tout cela de près. Le mot de climat que vous employez est en fait assez récent. Alors c'est vrai que le mot de climat, c'est un mot piège, on peut dire, hein, parce qu'il est extraordinairement polysémique. Au départ, le climat, c'était un concept de la géographie mathématique grecque hein, qui désigne une bande définie par deux lignes de latitude données sur le globe. Donc c'est une bande sur la surface terrestre, c'est une définition purement géodésique. Mais assez rapidement, le mot de climat va aussi désigner de façon très générale une région. Et puis au XVIIIe siècle, il va commencer à prendre le sens qu'on lui connaît aujourd'hui de, disons, l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné, ce qu'on appellera parfois le climat réel d'un lieu. Donc on a une polysémie, et ça serait d'ailleurs une erreur hein, que de faire une histoire comme la nôtre. En pistant ce mot, on serait là dans le nominalisme et on serait rapidement amené à des impasses. Ce qu'il faut rechercher, nous semble-t-il, ce qu'on a fait nous, c'est plutôt un discours sur, disons, le chaud, le froid, la pluie, les précipitations, les neiges, parce qu'à traquer le mot climat, on arriverait à des contradictions tant il est polysémique. Montesquieu et sa théorie des climats est au centre, donc au mi-temps de votre longue durée. La théorie des climats de Montesquieu, évidemment, qui est peut-être l'un des éléments la plus connue hein, des théories climatiques occidentales, avec ce petit paradoxe qui fait que finalement la théorie des climats de Montesquieu, c'est peut-être le discours sur le climat le plus connu, mais aussi l'un de ceux qui parlent le moins de changement climatique au XVIIIe et au XIXe siècle. Eh bien, ce sera une surprise, nous y viendrons tout à l'heure, mais je pense qu'un chemin chronologique, en l'occurrence, s'impose, puisque une des informations que vous nous donnez, inédite, encore une fois, c'est que dès le XVe siècle, la fin du XVe siècle, on a commencé de se préoccuper de la question des relations entre l'homme et le climat, et la découverte du nouveau monde par Christophe Colomb et les siens, a été à cet égard importante. Expliquez-nous ça. Alors c'est vrai que une de nos thèses, hein, c'est que vraiment l'exploration et la conquête de l'Amérique a été une matrice pour la pensée du changement climatique. Avec, dès les voyages de Christophe Colomb, donc bien sûr dès l'origine hein, de l'exploration, un discours sur l'agir climatique humain. Lorsque Christophe Colomb arrive dans les Caraïbes, il arrive dans des îles dont il juge le climat insalubre, trop chaud, trop humide, et il y a aussi là un étonnement, parce que si on se réfère simplement aux latitudes, pour Christophe Colomb, on devrait arriver sur des climats beaucoup plus salubres, beaucoup plus tempérés. C'est la même surprise hein, qui va traverser les explorateurs du Canada, des gens comme Jacques Cartier ou d'autres, qui vont attendre un climat qui serait celui de la longitude de Québec, c'est-à-dire le climat de La Rochelle, plus ou moins. Or, ils s'aperçoivent rapidement que les hivers canadiens ne sont pas les hivers de La Rochelle. Et donc, dans cette espèce de surprise et ce hiatus entre la théorie grecque des climats en longitude et la réalité des climats physiques, il va se glisser un discours sur le changement climatique. Quel est-il ? Eh bien, simplement que la différence entre l'Europe et l'Amérique, c'est qu'en Europe, on a coupé les arbres, donc on a civilisé le climat. En Amérique, les Indiens n'ont rien fait de leurs arbres, ils ont laissé la forêt prospérer, et donc le climat est resté insalubre. Ce qui frappe quand on s'attache aux réactions de Christophe Colomb et à ses messages assez souverains, c'est que alterne cette sévérité-là et la conviction que Néanmoins, ce climat peut être très, très positif. Je relève qu'il leur écrit à propos de Cuba, que la température y est décrite comme celle d'une nuit de mai en Andalousie. Toujours insistant soit sur la différence, on est loin de ce qu'on connaît, ou au contraire, cela nous ramène à nos bonheurs, à nous. Il écrit « Je certifie à vos altesses, c'est-à-dire Ferdinand et Isabelle d'Espagne, qu'il n'existe pas sous le soleil d'endroit meilleur en fertilité et en modération de froid et de chaud, et pour l'abondance d'eau, bonnes et saines, à l'inverse de celle des rivières de Guinée qui sont pestilentielles. » L'arbre et l'eau, toujours. Et à cet égard, l'expérience qu'il a pu avoir aux Canaries, avec l'arbre saint de l'île de Fer, mérite d'être restitué. Les Canaries, c'est le lieu où on faisait de l'eau avant la grande traversée. Et pour restituer ce qu'a pu être l'ambiance qu'il a rencontrée, je vous propose ce reportage de Philippe Modol sur l'île de Gomera, qui est l'île la plus éloignée du continent. Il fait une visite de la forêt avec Wilfred de la Torre. C'est un extrait de Radio Bleu du 15 avril 1999. Ce qui m'a surpris, ce sont ces gouttes qui tombent. Enfin, ça m'a pas surpris parce que je me disais qu'il pleuvait. Et puis j'ai vu qu'il y avait rien, qu'il y avait simplement des nuages qui passaient, qu'il y avait donc une espèce de brume et pas de pluie. Et pourtant, il tombe de l'eau des feuilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se passe? Ça, c'est une condensation de la brume qui, avec le contact avec les feuilles, il se forme une condensation de l'eau et l'eau tombe lentement sur le sol. Et à ce phénomène, nous l'appelons la pluie horizontale. Il pleut avec la pluie horizontale, quelquefois deux fois plus qu'avec la pluie verticale. C'est impressionnant de voir effectivement cette île qui suinte, ça dégouline de partout sur cette île. C'est donc cette pluie horizontale qui fait que cette île est tout aussi verte. Le mer des nuages de la versant nord, elle permet que le climat soit plus doux que dans la versant sud où il y a plus de soleil. Et finalement c'est beau parce que c'est vrai que moi je suis resté plusieurs heures devant le Roque Agando ou dans le parc même. Et je voyais les nuages monter sur les monolithes et puis tourbillonner, redescendre. C'est un mouvement incessant. Ce sont les alizés qui font ça? Ce sont les alizés qui font ça. Ils font cet effet de cascade de nuages qu'on voit dans la versant sud. On va d'un paysage africain à un paysage subtropical avec une énorme biodiversité des plantes, des insectes, beaucoup d'eux. Sont des êtres vivants qui sont endémiques de la région canadienne. Qui ne poussent qu'ici. Fabien Lechine, nous avons là probablement l'ambiance que Christophe Colomb et les siens ont dû rencontrer dès cette fin du 15e siècle, dans cette île chargée d'eau, avec cet arbre saint de l'île de Fer, qui est intéressant parce qu'il est au cœur des préoccupations qui sont ceux des conquistadors. Alors effectivement, ce modèle de l'arbre saint de l'île de Fer est très important dans la pensée climatique de Christophe Colomb et plus généralement la pensée de l'agir climatique de ses débuts de l'époque moderne. Alors l'arbre saint de l'île de Fer, c'est un prodige qui est décrit très largement au XVe siècle. Ce serait un arbre qui serait présent donc dans cette île, l'île de Fer, qui est l'île la plus à l'ouest des Canaries et qui a longtemps servi d'ailleurs de degré zéro, de méridien zéro. Donc c'était une île qui était très très connue par les navigateurs. Alors l'arbre soutire l'eau des nuages. Alors l'idée, c'est que c'est un arbre, disons, bienfaisant, qui soutire l'eau des nuages et qui distribue la pluie sur toute l'île. Et il y a des récits qui expliquent comment les Indiens du lieu ont résisté longtemps aux conquérants portugais grâce à cet arbre qui leur a permis d'avoir une alimentation en eau sur des îles qui sont par ailleurs relativement arides ou qui en tout cas ont des régimes hydrologiques très irréguliers. Et donc ce prodige de l'arbre saint de l'île de Fer, Christophe Colomb le connaissait très bien parce que simplement Christophe Colomb était allé aux Canaries, il avait fait aussi escale lors de ses voyages, parce que c'est l'endroit où on prenait de l'eau avant d'entreprendre il a pris de l'eau avant d'entreprendre les grandes traversées. Et donc, c'est comme un modèle, on peut dire écologique, on pourrait dire vu d'aujourd'hui, un modèle écologique de rapport entre l'arbre et les précipitations, les climats. Et donc, ça va servir beaucoup de modèle pour Christophe Colomb, qui va dire simplement, si les arbres produisent autant de pluie, d'humidité, font des climats très chargés en eau, eh bien, en coupant les arbres d'Hispaniola, en coupant les arbres des Caraïbes, on va pouvoir transformer à rebours le climat de ces îles et en améliorer, les environnements. Avec toujours chez lui cette ambivalence qui frappe avec le recul. Est-ce que la situation de la forêt est positive avec l'eau autour, Ou au contraire, est-ce que la végétation abandonnée à elle-même a tellement proliféré que les nuages qui sont attirés par les arbres noient les terres en déshérence? Ça va être complètement, dans toute cette histoire, ça va être continuellement la question. C'est-à-dire, trop d'arbres, ça peut être un problème, un climat, disons, trop humide, trop chaud, trop extrême. Trop peu d'arbres, ça peut être un climat trop sec, asséché, invivable. Donc il faut trouver en quelque sorte le bon, placer le curseur au bon endroit. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne les Caraïbes, clairement, l'idée c'est qu'il faut quand même déblayer, hein, il le dit quasiment comme ça, Christophe Colomb, dégager l'arbre de l'île de ses arbres, hein, pour en améliorer le climat. Et il y a une dimension aussi fondamentale là-dedans, c'est que c'était aussi un gage donné à ses financeurs. C'est-à-dire, il arrive dans des environnements qui sont a priori peu favorables au développement colonial, et les lettres qu'il envoie évidemment en Europe, c'est aussi des lettres avec lesquelles il vend en quelque sorte la colonisation du Nouveau Monde, et il justifie l'argent, les sommes considérables investies dans ces expéditions. Vous nous montrez déjà que cette question de l'agir humain, comme vous dites, autrement dit l'action des hommes sur le climat, se situe au cœur d'enjeux de pouvoir, d'affrontements politiques, de rapports de domination et parfois d'ailleurs d'imagination artistique, ce qui donne à cette question que nous traitons ce matin, c'est-à-dire l'influence de l'homme sur les climats et l'inquiétude sur ce que son action peut entraîner, ce qui donne à tout cela une dimension que je veux signaler d'entrée de jeu. On a l'impression que les préoccupations pour le changement climatique datent de quelques décennies. En fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est très ancien, qui a influencé de façon très profonde la culture occidentale, et que par contre, on a eu un moment, quelque sorte, d'apathie, d'oubli de ces questions, de mise de côté de ces questions, entre la fin du 19e et les années 1900, disons 50. C'est bien pour ça que je vous ai invité, Fabien Locher, pour montrer comment tout ça s'enracine loin en arrière, et comme vous le dites à l'instant, effectivement, qu'il y a néanmoins une assez longue parenthèse dans la préoccupation du climat, qui explique peut-être les erreurs de ceux qui pensent que tout ça est nouveau. On exagère comme si souvent l'inédit. Mais revenons à ces temps plus anciens. Vous évoquez le Canada. On voit là encore, de la même façon, l'hésitation de ceux qui en parlent, des explorateurs en particulier, des administrateurs des premiers temps, entre l'affirmation que c'est très différent et qu'on peut probablement améliorer, au contraire que c'est très proche du climat de nos pays, et que par conséquent, c'est peut-être une extension tout simplement très féconde de ce que nous sommes. On s'attend à trouver en Nouvelle-France, par exemple, au Canada, pour le dire simplement, des climats semblables à ceux de la France, et on ne trouve pas ça du tout. On trouve des hivers terribles. Les hivernages de Jacques Cartier sont des catastrophes parce que on trouve un climat extrêmement froid et des saisons extrêmement d'hiver extrêmement froides. Alors, le discours va être double, effectivement. Ça va être de dire, il y a bien une différence climatique, mais que cette différence climatique, elle est le produit, en fait, de l'inaction des populations locales, autochtones, qui n'ont pas su civiliser leur climat. Vous faites des années 1660, des moments tournants à cause de l'émergence d'écrits des philosophes naturels anglais. Voilà qui mérite une explication. Alors, effectivement, dans ces années 1660-1670, on a l'émergence, on peut dire, d'un discours qu'on appelle aujourd'hui scientifique sur le changement climatique anthropique. La philosophie naturelle, notamment, spécialement anglaise, s'empare de cette question avec une rencontre qu'on a exhumée dans les sources assez frappante entre le roi d'Angleterre, le gouverneur de la colonie du Connecticut, colonie donc anglaise du Nouveau Monde, et tout cela en présence de Robert Boyle, qui est une grande figure de ce qu'on appelle parfois la révolution scientifique, relativement peu connue en France, mais qui est l'équivalent, on pourrait dire, d'un Newton, Robert Boyle, dont les historiens des sciences disent tout simplement qu'il a inventé la méthode expérimentale, excusez du peu. Et c'est avec lui qu'on va évoluer d'un temps où l'interprétation du réchauffement climatique comme un signe providentiel venait sanctifier la colonisation anglaise à des observations qui nous apparaissent plus scientifiques. Alors, Robert Boyle, d'abord, il assiste à cette rencontre et on a le témoignage de Boyle, de ce que le roi d'Angleterre demande au gouverneur du Connecticut. Est-ce que le climat de la province a changé depuis l'arrivée des Anglais? Le gouverneur du Connecticut dit oui. Il fait plus chaud, il y a moins de pluie. On a une amélioration climatique, dirait-on aujourd'hui. Il ne le dit pas comme ça, mais on peut le dire comme ça. Et Robert Boyle, il va enquêter en demandant à ce qu'on fasse venir devant lui d'autres personnes, en recueillant des témoignages, en essayant de trouver dans les récits des voyageurs et des colonisateurs de la Nouvelle-Angleterre des traces de changement climatique, il en trouve. Et par ailleurs, en appelant en fait à l'usage des instruments météorologiques pour quantifier le changement et l'action humaine sur le climat. Et là, il faut bien réaliser, on est dans les années 1660-70, et donc on est quelques décennies après la mise au point des instruments météorologiques. Les instruments météorologiques, sous leur forme moderne, ils sont disons, stabilisés vers 1630, 40, 50. Et donc, simplement quelques décennies après, on commence à les utiliser pour essayer de quantifier un changement climatique. Oui, cette histoire est forcément intimement mêlée à celle des techniques de l'appréhension du climat. Bien sûr, alors c'est une dimension fondamentale pour produire des nombres. Il faut une instrumentation. Ces nombres, ensuite, on va devoir, les savants de l'époque moderne et du 19e, du 20e siècle vont devoir les mettre en série, les critiquer, les discuter, etc. Donc, il y a toute une histoire de la quantification du climat qui recoupe, bien sûr, l'histoire des pensées de l'agir climatique. D'ailleurs, et là, je vous porte un peu en avant, au début du 19e siècle, Alexandre von Humboldt, le grand explorateur allemand, géographe, a réfléchi beaucoup à cette amélioration possible de la mesure. Écoutez ces lignes qui lui sont dues et qui sont lues ici par Emmanuel Lemire dans La Marche des sciences d'Aurélie Luneau sur France Culture le 9 décembre 2010. Nos idées sur la distribution de la chaleur atmosphérique ont gagné en clarté sous certains rapports depuis qu'on s'est efforcé de soumettre les phénomènes à un mode uniforme de représentation graphique en reliant les uns aux autres par un système de lignes tous les points où les températures moyennes de l'année, de l'été et de l'hiver ont été déterminées avec exactitude. Le système des lignes isotherme, isothère et isochimène que j'ai proposé en 1817 pourra peut-être fournir une base certaine à la climatologie comparée si les physiciens consentent à réunir leurs efforts pour le perfectionner. C'est ainsi que l'étude du magnétisme terrestre est devenue une véritable science du jour où les résultats partiels ont été réunis et représentés graphiquement par des lignes d'égale déclinaison, d'égale inclinaison et d'égale intensité. Alexander von Humboldt. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Voilà la technique de la mesure qui est en progrès, non, Fabien Locher? Alors ça, c'est un extrait vraiment très intéressant. On voit sous la plume de Humboldt l'invention d'une méthode qui est à la fois une méthode de caractérisation des données, d'évaluation de leur qualité, et puis une méthode de mise en carte, ce qui est quelque chose de très important. C'est-à-dire, que faire aussi de cette immense masse de données qui va être produite dès le XVIIe siècle? Eh bien, Humboldt dit, il faut utiliser des moyens graphiques. On va créer des cartes, ce qu'on appelle la cartographie quantitative, mettre ces nombres en cartes, et grâce à ces cartes, à ces représentations graphiques, on va pouvoir raisonner, en fait. On va pouvoir faire émerger des théories générales qui sont des théories des climats du globe. Et donc, ça va être aussi une méthode qui va être plus tard utilisée pour évaluer les effets de la déforestation ou de la reforestation sur les climats. Au 19e siècle, on va utiliser largement ces outils pour étudier l'agir climatique humain. Mais dès le 18e, la question se pose de savoir si, avec Montesquieu, le climat influence les sociétés, mais en sens inverse, si les sociétés, les hommes peuvent influencer les climats. On retrouve des grands noms, là, par exemple celui de Buffon. Alors tout à fait, Buffon, on peut dire, c'est le grand héros du discours du changement climatique. Il a une théorie qui est double, qu'il expose dans sa grande histoire naturelle, qui est un des best-sellers du siècle des Lumières, qui est présent dans tous les intérieurs de la grande bourgeoisie et de la noblesse à la fin du 18e européenne. Dans l'histoire naturelle, Buffon explique qu'il y a deux processus. D'abord, la Terre, qui est un bout de soleil arraché et en train de se refroidir inexorablement. Et donc, on a un refroidissement de la Terre et des climats à l'échelle de la vie humaine, d'ailleurs, puisqu'il explique que on peut voir quasiment à l'œil nu, enfin en tout cas une génération, les glaciers suisses croître en volume, les pôles augmenter en surface. Voilà. Donc là, l'homme n'y peut rien, c'est un refroidissement. Il y a sept étapes successives, d'après lui, sept époques de la nature. On est dans le septième. On est là dans la septième époque, l'époque de l'homme, on peut dire. On pourrait dire que c'est une sorte d'anthropocène buffonien, si on était un petit peu, si on reprenait ce terme aujourd'hui assez en vogue, d'anthropocène. Donc une époque où l'homme est en quelque sorte dominant dans la trajectoire du système Terre. Buffon explique que, alors il y a ce refroidissement, mais pourquoi est-ce que c'est anthropocène pour Buffon? C'est que l'homme, par contre, peut quand même contrer pour un temps ce refroidissement général. Comment? Par son agir climatique. Je rappelle que le mot d'anthropocène définit une période où, pour la première fois, l'homme aurait véritablement pesé sur la nature et sur les climats, sur l'équilibre de la planète. tout à fait donc une période où l'homme ou les sociétés humaines auraient marqué de leur empreinte définitivement la trajectoire climatique et environnementale de la Terre. Les débuts sont d'ailleurs flottants suivant les auteurs, les débuts de l'Anthropocène. C'est très discuté. Certains mettent l'accent sur le CO2 en disant voilà, c'est le jour où la machine à vapeur finalement a été conçue à la fin du 18e, que commence l'Anthropocène. D'autres disent non, l'Anthropocène commence au moment de l'explosion de la première bombe atomique parce que c'est la première fois que l'homme se dote d'un moyen d'annihiler en quelque sorte tous les environnements en une seule fois, on pourrait dire. Il faut bien sûr pas parler d'Anthropocène, mais il part d'une époque de la nature, la 7e, où l'homme est quand même très actif pour façonner les environnements à l'échelle globale, l'échelle de la planète. J'insiste sur ce point parce qu'on a toujours l'impression que la pensée du global est une pensée exclusivement contemporaine, mais en fait, Buffon, par exemple, a une théorie globale des changements climatiques. Et ce qu'il dit, lui, Buffon, c'est que les nations européennes peuvent contrer le refroidissement par leur action sur les arbres. Mais là, on est exactement à l'inverse d'aujourd'hui, puisque l'inquiétude, c'est celle du refroidissement et non pas du réchauffement. D'ailleurs, il y a eu des très grands hivers qui ont marqué les esprits, 1775 et auparavant 1709, à la fin de Louis XIV, qui a laissé dans les souvenirs la marque d'une sorte de catastrophe. Tout à fait, c'est ce qu'on voit dans toute l'enquête qu'on a menée avec Jean-Baptiste, c'est aussi que les événements extrêmes, et notamment les hivers les plus rigoureux, ce sont des moments où les inquiétudes sur les changements climatiques sont relancées. On se pose la question, quasi systématiquement jusqu'à la fin du 19e, d'une possible action de l'homme sur les climats. On cherche des responsables dans une ambiance de conflictualité qui est générale, puisqu'il faut bien rappeler quand même ici que des hivers terribles, des printemps pourris, pour les hommes des 18e, 19e siècle, c'est pas comme pour nous un motif de désagrément, c'est un motif d'inquiétude, parce que ce sont des déficits agricoles, des disettes, des émeutes, des troubles politiques, voire des famines ou même des gouvernements renversés, donc c'est une question existentielle. On cherche à l'époque des lieux de quasi-expérimentation, évidemment les îles. Il y a un aspect insulaire du sujet que nous traitons ce matin. Les îles permettent, pense-t-on, de considérer une sorte de concentration des questions qui préoccupent les contemporains. Je pense par exemple à l'île Maurice, qui à l'époque s'appelle l'île de France, et où travaillent deux personnalités que vous mettez bien en lumière. Fabien Locher, Pierre Poivre, et puis naturellement, plus connu, Bernardin de Saint-Pierre. Cet aspect insulaire de l'interrogation qui est la nôtre ce matin mérite, je crois, d'être souligné. Alors c'est vrai qu'on avait l'île de Fer, mais on a aussi l'île Maurice, l'île de France, avec cette idée que ces îles sont comme des laboratoires, des grandes transformations environnementales qu'on peut percevoir par ailleurs sur les continents. Donc ça, c'est lié aussi au mode d'exploitation de ces îles. L'île Maurice, c'est une colonie de plantation, où on a mené, où les Européens ont mené des transformations environnementales absolument massives. C'est une île aussi qu'on a en partie déforestée pour notamment l'exploitation du sucre. Et donc on a de grandes transformations environnementales et un discours qui se structure avec un administrateur qui s'appelle Pierre Poivre dans les années 1770. Mais pour lui, il faut protéger le climat en défendant les forêts. Donc c'est une vraie politique environnementale, peut-être une des toutes premières de l'histoire. Alors c'est une politique environnementale, mais qui a des mobiles un peu inattendus, des mobiles finalement impériaux. Pourquoi est-ce qu'il faut que le climat de l'île, on le conserve, c'est pas tellement pour la beauté des lieux, on pourrait dire aujourd'hui pour l'appréciation qu'on pourrait en avoir, mais c'est pour, dit Pierre Poivre, pour que les Européens qui vivent sur cette île ne dégénèrent pas, parce qu'on avait beaucoup cette idée d'un climat qui fait dégénérer. Si on maintient le climat salubre, en gros, dit Pierre Poivre, on va avoir des Européens sur place qui sont fort, dynamique, et on va pouvoir les utiliser pour reconquérir l'Inde, reprendre l'Inde aux Anglais. Donc c'est un discours en fait éco-impérialiste, on peut dire, qui effectivement est étonnant parce que il pose la question de l'agir climatique humain, et en même temps avec des motivations qui sont toutes sauf esthétisantes ou bien romantiques à ce stade. C'est vraiment, alors ça va changer avec Bernardin de Saint-Pierre, mais là avec Poivre, on est vraiment dans le, on peut dire la climatologie impériale. Quoi. Paul et Virginie, en effet, toujours à l'île Maurice, incarnent une évolution. Alors avec Bernardin de Saint-Pierre, effectivement, on a une évolution. Bernardin de Saint-Pierre, il est connu aujourd'hui comme un écrivain, du romantisme français. C'est aussi un naturaliste, évidemment. C'est quelqu'un qui est un penseur de ce qu'on appelle une vision providentialiste de la nature. La nature aurait été créée par Dieu comme un tout parfait et interdépendant. Et puis Bernardin de Saint-Pierre, c'est aussi un ingénieur. Qui est pour un temps employé à l'île de France, à Maurice, sous la direction de Pierre Poivre, et qui là-bas, finalement, se sensibilise à cette question de l'agir climatique humain. Et dans ses écrits, de retour en métropole, il va beaucoup disséminer comme ça des mentions à la théorie des climats, la théorie climatique du changement. C'est cela qui va en partie populariser en France même cette théorie. C'est une des sources qui viennent irriguer les grands débats d'une période fondamentale sur lequel, à juste titre, vous insistez, Fabien Leucher, c'est la période de la Révolution française, où on voit vraiment émerger les relations étroites entre la politique et les questions environnementales, autour notamment de la forêt. Les révolutionnaires, les contre-révolutionnaires ne cessent pas de s'envoyer au visage des reproches multiples sur ce qu'ils font, ce qu'ils feront, ce qu'ils feraient de la forêt. Tout à fait, alors c'est vraiment un moment décisif hein, où on a une sorte de grande bascule entre une période moderne, l'époque moderne, où on pense plutôt de façon optimiste les changements climatiques, on va améliorer les climats, vers une période d'angoisse vraiment massive. Donc évidemment c'est plus subtil que ça, il y a des nuances mais à apporter, mais il y a vraiment un basculement et on a au moment de la Révolution française l'émergence d'une sorte de catastrophisme climatique. Qui ferait rime aujourd'hui ? Alors effectivement ça rappelle le changement climatique qui est discuté aujourd'hui, même si celui du 19e siècle concerne le cycle de l'eau, celui d'aujourd'hui le cycle du carbone comme je l'ai dit, mais ce qui est commun c'est véritablement une histoire politique hein, du changement climatique avec des expertises scientifiques mais qui sont reprises au Parlement, qui font l'objet de discussions dans les journaux, qui sont aussi instrumentalisées par des camps politiques diverses, qui sont, bref, une histoire sociale et politique du changement climatique et pas seulement une histoire de représentation par exemple ou une histoire culturelle du ciel ou de l'atmosphère hein, qui est en jeu. Non, c'est vraiment une histoire qui met en cause des choses fondamentales comme le gouvernement des forêts qui est pour cette époque-là, quelque chose de fondamental. Un collègue historien, Jean Buridan, a pu dire que le bois, c'était à la fois le pétrole et le béton du 18e et du 19e siècle. Le bois, c'était à la fois la source d'énergie principale et un matériau de construction fondamental. Et donc, parler des forêts, c'était parler de quelque chose d'essentiel. Et donc, les débats révolutionnaires et post-révolutionnaires sur les forêts, ce sont des débats qui ont été extrêmement importants et où le changement climatique jouait un rôle éminent. Et on ne cesse pas de décennie en décennie, presque d'année en année, à se renvoyer des reproches d'un camp à l'autre. Déjà dans les cahiers de doléances, on parle beaucoup des forêts, vous avez mis ça au jour. Tout à fait, donc on a dès la fin du XVIIIe siècle, avec les cahiers de doléances, et ensuite à l'époque révolutionnaire, on a cette question des forêts qui est centrale, parce que d'abord, au départ, le pouvoir des eaux et forêts dans les forêts est très contesté hein, par les paysans, parce que les règlements royaux viennent empêcher certains usages qu'ils pouvaient avoir de la forêt, clôturer ce qu'on peut appeler des communs forestiers notamment, c'est-à-dire empêcher des pratiques d'usage collectif sur des forêts. Et puis au moment de la Révolution, on a, par les révolutionnaires cette fois, une mise en cause de la monarchie en disant « la monarchie, regardez la monarchie », disaient les révolutionnaires lors des débats sur la forêt nationale, la monarchie a dégradé la forêt française. Parce que simplement, au lieu de mettre des gens compétents au poste de responsabilité, ben on achetait les charges, donc on avait des incapables. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, disent les révolutionnaires ? Ben, la monarchie a dégradé le climat de la France, et donc en quelque sorte, toutes les critiques que les révolutionnaires pouvaient faire sur la monarchie, trouvaient une expression aussi dans le champ de l'écologie, avec cette mise en cause concernant le changement climatique. Mais avec aussi un double aspect qui frappe pendant cette période révolutionnaire, c'est que tantôt les forêts sont des gages pour les emprunts, et par là il faut les préserver, et tantôt elles deviennent un trésor si on les coupe, pour fournir de l'argent à un budget national qui est toujours en difficulté. Alors c'est vrai que ça va être une des grandes questions. Alors au moment de la Révolution, mais aussi dans toutes les décennies jusqu'au milieu du 19e siècle, on va avoir de grands débats autour de la question de la forêt et de la vente des forêts nationales. Alors c'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que ces débats vont être très très intenses sous la Restauration. Sous la Restauration, on a des partisans donc de la Restauration monarchique hein, qui sont obligés, c'est assez difficile pour eux, de payer les dettes de Bonaparte, parce que les traités avec les alliés les obligent à payer les dettes. Encore plus douloureux pour eux, ils doivent payer les dettes et pour ça trouver de l'argent. Et une des solutions, une des seules solutions qu'ils peuvent trouver, c'est de vendre les forêts nationales. Or, ces forêts nationales sont des forêts, hein, je le rappelle, qui ont été confisquées au moment de la Révolution au clergé et aux princes étrangers. Donc c'est vraiment un crève-cœur pour certains partisans de la monarchie sur la Restauration de se trouver dans cette situation. Dans ce contexte, les ultras, c'est-à-dire les partisans les plus extrêmes de la Restauration, vont accuser les monarchistes modérés en disant « Mais regardez, vous faites les complices des révolutionnaires en voulant vendre ces forêts qui sont sacrées. Et qu'est-ce que vous allez faire ?» disent les ultras. « Vous allez dégrader le climat de la France. » Et vous allez continuer, disent-ils, parce que les paysans de l'an 2 ont continué, c'est-à-dire, comme le dira l'un d'eux, de façon ironique, ces révolutionnaires qui ont mené les torches brillantes de la raison dans nos bois et qui, pour cette raison, les ont détruits. Vous allez continuer leur œuvre de destruction, disent-ils aux modérés. Et donc, c'est un scandale, vous devez être renversé. Ça, c'est donc au sein de débats assez complexes, il est vrai, mais au sein des monarchistes, que sous la Restauration, on va trouver cette figure du changement climatique comme solution possible pour rembourser les dettes, ou alors comme bien sacré à conserver à tout prix, parce qu'il représente quelque chose de politique et à la fois aussi d'environnemental. Quand vous dites changement climatique, vous vous assimilez aux arbres, effectivement. Et Chateaubriand se place du côté de ceux qui protestent hautement. Il écrit « Partout où les arbres ont disparu, l'homme a été puni de son imprévoyance ». Je puis vous dire mieux qu'un autre, messieurs, c'était à la tribune, ce que produit la présence ou l'absence des forêts, puisque j'ai vu les solitudes du Nouveau Monde, où la nature semble naître, et les déserts de la vieille Arabie, où la création paraît expirée. Fin de citation. Effectivement, le discours de Chateaubriand nous a frappés, d'abord parce qu'évidemment, parce que Chateaubriand, j'allais dire, qui parle de changement climatique et d'agir climatique humain, et aussi parce que ça s'inscrit dans toute une découverte qu'on a fait dans notre enquête. C'est-à-dire, en enquêtant, on a simplement découvert que les débats parlementaires, alors sous la Restauration, mais aussi sous la Révolution, plus tard, pendant la Monarchie de Juillet, sous le Second Empire, enfin, pendant une grande partie du XIXe siècle, on parle constamment de changement climatique au Parlement. Ce qui était quand même une découverte pour nous. Et Chateaubriand, effectivement, la Chambre des Pairs prend la parole pour parler de la France qui pourrait devenir un désert comme l'Arabie si on ne s'arrête pas de vendre les arbres. Alors ça correspond aussi à tout un discours. On parle aujourd'hui beaucoup des effondrements. On a tout un discours au XVIIIe, XIXe siècle, surtout au XIXe siècle surtout, sur le changement climatique comme dégradation qui pourrait nous amener à nous autodétruire. Collapsologie. C'est une collapsologie climatique complète avec la référence constante à l'Orient. L'Orient, ce sont toujours ceux qui se sont autodétruits par la déforestation. Alors, Fabien Locher, avec Jean-Baptiste Fressoz, votre complice, vous avez fait émerger un document qui était assez largement oublié et qui nous intéresse parce qu'il il annonce déjà des soucis contemporains et l'idée que l'État peut intervenir au moins pour s'informer sur les effets du changement climatique, c'est l'enquête de 1821. Je voudrais que vous nous en disiez un mot. Alors effectivement, cette enquête, on l'a redécouverte dans les archives de Météo France, de façon assez, pas par hasard au fond. Et c'est une enquête qui est assez étonnante au départ pour l'historien, parce qu'on y voit un ministre de l'Intérieur de la Restauration, du début du XIXe siècle, écrire à tous ses préfets pour leur demander si le climat de leur département a changé et si l'homme pourrait en être le responsable. C'est le bureau des sciences du ministère de l'Intérieur et des Beaux-Arts. Tout à fait, qui rédige cette circulaire, qui est la circulaire numéro 18 d'avril 1821, qui est ensuite envoyée au préfet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même un État occidental au début du XIXe siècle qui enquête sur le changement climatique causé par l'homme. C'était déjà au début de notre enquête, donc on était encore dans l'étonnement. Et ensuite, en lisant les réponses, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que... Alors, qui répond? Le préfet, bien sûr. Mais en fait, le préfet, il demande à son chef de cabinet, il demande à un conservateur des eaux et forêts, il demande à un maire, il demande à un propriétaire, il demande à un ingénieur des ponts et chaussées, il demande à un professeur de physique de lycée, il demande à toutes sortes de personnes. Mais ils ne sont pas du tout surpris qu'on leur pose la question. En même temps, beaucoup d'incertitudes dans les réponses. Alors, par contre, beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes, des milliers de pages, mais une disparité immense des réponses, avec aussi quelque chose qui est fondamental et qui revient toujours, c'est le problème des données. On ne dispose pas de données fiables, notamment numériques, de nombre d'observations qui permettraient de quantifier un changement, de le préciser. Et donc, chacun essaie de trouver des méthodes. Alors, on va interroger des vieillards. Mais tout de suite, on a aussi des discours qui nous disent « Attention, les vieillards ont une tendance à enjoliver leur jeunesse. » C'était mieux avant. C'était mieux avant. Tienne bien connue. Donc, on a un vrai discours sur la faiblesse du témoignage concernant le climat et les saisons. C'est ce qui est intéressant. On a un discours global aussi disant « Mais c'est peut-être la déforestation de l'Allemagne, de l'Amérique du Nord, qui a causé des changements climatiques. » On a un discours sur le fait qu'on pourrait utiliser de nouvelles méthodes. On a notamment un ingénieur des ponts et chaussées de Lyon qui écrit en disant « Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les données de bandes vendanges pour faire ce diagnostic? Alors, il ne le fait pas vraiment, mais il le suggère, dans les années 1820. Et puis, on a aussi des gens qui disent, il faut utiliser d'autres méthodes. Par exemple, regarder au plafond et trouver dans les poutres en bois des églises des indications sur les anciennes essences d'arbres qu'on exploitait dans la région. D'autres disent, regardez en Corse, On est très étonné parce que cette fête, c'est une fête dans laquelle on cuit des fromages dans des feuilles de châtaigniers. Or, dans cette région, aujourd'hui, il fait trop froid pour avoir des châtaigniers, donc il y a eu changement, etc. Donc, toutes sortes de mobilisations de ce qu'on appelle aujourd'hui, en climatologie historique, des proxys, c'est-à-dire des indices qui nous permettent de remonter aux évolutions climatiques. Lorsqu'on n'a pas de données d'observation. Des carottages du côté des pôles, par exemple, dans les glaciers. Mais vous parliez des bancs de vendanges. Je vais vous faire entendre un reportage télévisé à Beaune, en Bourgogne, sur un registre de 1716 qui avait consigné les dates des vendanges. C'est une émission télévisée sur la troisième chaîne, le 3 décembre 2004. Ces bancs de vendanges ont beaucoup attiré l'attention en particulier d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Écoutez. Étudier la vigne pour connaître la météo des siècles passés. À première vue, une étrange idée, et pourtant, les préférences climatiques de ces grappes de raisin viennent de livrer aux scientifiques 600 ans du climat bourguignon. Tout a commencé ici. Nous sommes aux archives municipales de Beaune, en Côte d'Or. Dans ce labyrinthe est caché un trésor pour les scientifiques. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Alors ça, ce sont les registres de délibération de la commune de Beaune. Donc ici, un registre de 1716. Et c'est à l'intérieur qu'on trouve les bancs de vendanges, chaque année, répertoriés dans ces registres. Et il y en a comme ça jusqu'à quand ? 1525, notre premier registre. Sur ces feuilles, année par année, siècle après siècle, ont été consignées avec précision les dates des vendanges. Une décision très importante pour toute la communauté villageoise. 1716. Avec d'autres chercheurs, Nicolas Viovi a utilisé cette incroyable source d'informations pour évaluer les températures printanières de ces 600 dernières années en Bourgogne. Sur cette courbe en bleu, la longue période froide appelée petit âge glaciaire est entrecoupée par quelques épisodes chauds. Et l'été 2003 bat tous les records. On savait déjà par les mesures historiques que c'était la plus chaude depuis qu'on avait des enregistrements de température, depuis 200 ans à peu près. Et là on voit qu'en fait, non seulement c'est la plus chaude depuis 600 ans, mais en plus, elle est 50% plus chaude que la plus chaude des années qui a eu lieu en 1523. Après la Bourgogne, les scientifiques espèrent bien élargir leurs recherches, car la France compte d'autres régions viticoles. Encore faut-il que les ancêtres des vignerons y aient fait preuve d'autant de précision. La longue durée, Fabien Locher, pour la réflexion dans cette grande affaire de l'homme devant le climat et de son angoisse depuis longtemps, c'est essentiel. Effectivement, c'est essentiel et on voit là dans cet extrait hein, la mobilisation d'un outil fondamental de ce qu'on appelle la climatologie historique. Les historiens contribuent au diagnostic sur le changement climatique contemporain en essayant d'aller chercher dans le passé hein, des indices, des indicateurs hein, d'évolution climatique. Et ça, c'est quelque chose que ne peuvent pas faire les physiciens ou les botanistes parce qu'on peut pas avoir ce degré de précision dans la reconstruction des climats avec des carottages ou bien des spécimens qu'on trouverait dans le sol. Il faut vraiment parfois passer par des sources historiques pour avoir cette résolution spatiale dans les évolutions climatiques. On rencontre là la belle figure de l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est un des pionniers et un des maîtres de l'histoire du climat en France. Tout à fait, donc Emmanuel Leroy-Ladurie, un immense historien qui a contribué à toutes sortes de champs de l'histoire, mais qui par ailleurs, en 1967, a publié ce livre, hein, son Histoire du climat depuis l'an 1000, qui était un travail universitaire et qui était très novateur à l'époque, hein, avec cette façon de dire, en allant dans les sources historiques, dans les archives, chercher des mentions concernant les glaciers, en cherchant des choses sur les récoltes et aussi les bancs de vendanges, on va pouvoir reconstituer une histoire du climat qui pourrait être utile pour l'histoire rurale au départ et puis ensuite pour le diagnostic du changement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que Emmanuel Leroy-Ladurie, quand il explique comment il en est venu là, eh bien une des choses qu'il a faites, hein, c'est se référer à des travaux sur les bancs de vendanges qui en fait ne sont que les lointains descendants de travaux sur les bancs de vendanges qui s'étaient structurés dans les années 1830 dans le contexte des débats sur le changement climatique lié à la déforestation. Donc en un certain sens, il y a un fil historique qui existe entre les débats politiques dont je parlais tout à l'heure et cette expertise de Leroy-Ladurie qui reprend ses outils et va en faire autre chose, va en faire des instruments pour le diagnostic du changement climatique contemporain. C'est dans ce premier tiers du 19e siècle qu'écrit, que rayonne un personnage important, un mathématicien, Joseph Fourier, parce qu'on a beaucoup dit qu'il avait été l'inventeur de l'effet de serre. Est-ce que c'est pertinent ? Alors ça, c'est une figure intéressante. Joseph Fourier, donc, qui est l'inventeur, on peut dire, qui a théorisé le concept d'effet de serre. À ne pas confondre naturellement avec le socialiste utopiste Charles Fourier, le grand Charles Fourier. Tout à fait. Charles Fourier, qui par ailleurs lui-même avait d'ailleurs un discours sur le changement climatique créé par l'homme à sa façon. Mais celui-ci, donc, c'est Joseph Fourier, un académicien, mathématicien, connu pour être l'inventeur par ailleurs de la théorie générale de la chaleur, ce qui n'est pas rien, et qui a aussi, dans ce contexte, théoriser l'effet de serre. Alors pour autant, on explique bien que ce n'est pas un précurseur de l'étude du changement climatique. C'est plutôt quelqu'un qui s'intéressait aux dynamiques climatiques planétaires, mais pas pour anticiper ce qu'on connaît aujourd'hui, non. Qu'est-ce qui est intéressant chez Fourier? C'est que Fourier, il cherchait à répondre aux enjeux de son temps. Sa théorie, en fait, se référait à la théorie du changement climatique, certes, mais à la théorie du changement climatique causée par la déforestation et pas du tout par le CO2. Et donc, ça symbolise ce qu'on veut faire aussi dans le livre avec Jean-Baptiste Fressoz, c'est de ne pas faire une histoire de précurseur, mais de montrer que tous ces gens, oui, ils parlaient de changement climatique, ils parlaient d'agir humain sur le climat, ils essayaient d'inventer des instruments pour le quantifier, mais ils ne parlaient pas du changement climatique qu'on connaît aujourd'hui, ils parlent du changement climatique de leur temps, celui qui était lié aux forêts, à la déforestation, et donc ils sont pas des précurseurs, ils sont au contraire profondément des acteurs d'une époque, mais qui était une époque où on se préoccupait effectivement de l'agir humain sur le climat. On connaît déjà le cycle du dioxyde de carbone, mais on pense qu'il est stable en fait, le rôle de l'eau, le rôle des forêts. Alors effectivement, on a au 18e et surtout au 19e siècle, on a vraiment dépensé des cycles de matière, cycle de l'azote, cycle de l'eau, cycle du carbone, cycle du CO2. Mais on a, concernant le CO2, cette chose fondamentale qu'on pense qu'il est, que le cycle du CO2 est très stable. Donc il ne peut pas être dégradé. En quelque sorte, il risque peu d'être dégradé. Alors ça va un peu évoluer malgré tout au fil du temps. Dans la deuxième partie du 19e siècle, on a des gens comme Arrhenius, par exemple, qui sont en train de penser des fluctuations, des variations possibles du CO2 dans l'atmosphère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font avant tout pour décrire un phénomène climatique en quelque sorte extra-humain qui est les âges glaciaires. En fait, le début de la pensée de l'évolution du CO2 à l'échelle de la planète, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans des préoccupations sur les âges glaciaires, ces grandes périodes de froid, on le sait, qui apparaissent périodiquement à l'échelle des temps géologiques. Et donc, on n'est pas dans une pensée du changement créé par l'homme. Lorsque quelqu'un comme Arrhenius, à la fin du 19e siècle, va commencer à dire que peut-être l'homme pourrait changer le climat en modifiant le taux de CO2 dans l'atmosphère, il va dire que finalement, ça pourrait peut-être être un bienfait, il est encore dans une pensée de l'amélioration. On pense plutôt que le charbon peut contribuer à dégrader l'atmosphère, plutôt qu'il y ait un effet sur la température d'ensemble du globe. Alors on a beaucoup de préoccupations autour de la question de la pollution, effectivement, on se centre plus sur la question de la pollution, et ça, ce sont des préoccupations qui sont très anciennes, comme l'ont montré d'autres collègues historiens de l'environnement, mais on n'a pas au 19e siècle cette grande idée d'une transformation du CO2 à l'échelle planétaire qui serait à ce point catastrophique. Il faut expliquer aussi pourquoi, à partir du mi-temps du 19e siècle, en gros jusqu'à notre 20e siècle largement entamé, la préoccupation du changement climatique diminue jusqu'à pratiquement disparaître sous l'effet de la première et du début de la seconde révolution industrielle. Oui, alors c'est un processus assez complexe de sortie, en fait, de ce qu'on peut appeler le paradigme de l'agir climatique. Il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est sans doute qu'avec le rail et les bateaux à vapeur, on a une moindre vulnérabilité climatique des sociétés. C'est-à-dire que si j'ai une mauvaise saison en Bourgogne, je vais pouvoir faire venir très rapidement du grain d'Île-de-France, mais aussi peut-être d'Odessa ou des États-Unis. Et ça va tout changer. C'est ce que les historiens économistes appellent la fin de l'ancien régime agricole. Et ça, c'est vers 1850, 60, 70. Donc il y a un paradoxe là-dedans et une ironie. C'est-à-dire, c'est au moment où les technologies carbonées émergent véritablement et où elles changent la société qu'on sort des inquiétudes sur un changement climatique. C'est-à-dire parce que le chemin de fer, qui est par excellence une technologie du charbon, va nous faire sortir d'inquiétudes sur le changement climatique au moment même où la consommation de charbon nous fait rentrer dans une période de mutation climatique créée par le CO2. Et alors l'autre raison, c'est aussi qu'après un siècle et demi de débats scientifiques sur le changement climatique causé par l'homme, on arrive à une sorte d'impasse. Personne n'a réussi à prouver qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas d'agir humain sur le climat. La climatologie contemporaine va se construire, en fait, non pas en réfutant l'agir humain sur le climat, mais en mettant de côté cette question comme une question sans réponse, comme une aporie, comme une impasse. C'est-à-dire ? Eh bien, on va avoir des débats qui vont être sans vainqueur à la fin du 19e siècle, et la climatologie historique va se construire avec à la fin du 19e siècle, avec vraiment cette idée qu'il s'agit désormais de rentrer dans une phase où on va accumuler des nombres sans théoriser. Alors l'image, c'est celle de Kepler, celui qui accumule des nombres sans encore produire de théorie. Et on va avoir un grand climatologue allemand à la fin du 19e siècle qui va dire la question de l'agir climatique sur le climat est presque devenue un interdit dans le monde scientifique. On traite plus de cette question parce qu'on n'arrive pas à trouver d'indicateurs fiables. Et c'est effectivement ce qui va se passer jusqu'aux années 1940-50. Au moment où on va réémerger des préoccupations sur le changement climatique liées cette fois au CO2. Et naturellement, dans la ligne de votre propos, on rencontre les relations originales entre le colonialisme et les réflexions, les inquiétudes sur le climat et toute la possibilité éventuelle de modifier les choses avec en arrière-plan tout un ensemble de stéréotypes sur l'inégalité du comportement des races en face de la nature. Effectivement, donc ça c'est une dimension importante. On est parti des colonies avec Christophe Colomb et la Nouvelle-France. On arrive aussi au 19e siècle, au 20e siècle, dans des empires coloniaux, les seconds empires coloniaux, les Britanniques en Inde, les Français dans le Maghreb, dans le Sahel. Et on a des discours là qui sont très forts autour de l'idée que les autochtones ont dégradé leur climat. L'arabe est l'ennemi de l'arbre. C'est ce que dit un colon sous le Second Empire qu'on cite dans le livre. L'arabe est l'ennemi de l'arbre. C'est vraiment l'idée que les populations arabes ont dégradé leurs forêts parce qu'elles sont fatalistes, elles sont violentes, elles utilisent le feu comme outil agricole, ce qu'on appelle l'écobuage. Elles laissent leur troupeaux paître un peu partout. Elles ont dégradé le climat du Maghreb. Le colonisateur français se pose comme celui qui va restaurer le climat du Maghreb, aussi étrange que ça puisse paraître, se pose donc comme l'auteur, l'acteur même d'une révolution climatique qui serait la régénération et aussi la résorption, hein, dans certains textes particulièrement emphatiques, la résorption du Sahara. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on sait que le climat du Maghreb est, en réalité n'a pas subi de grandes évolutions ni de grands retraits des forêts dans les périodes historiques, et que par ailleurs, les pratiques des buage, c'est-à-dire de l'utilisation du feu dans le domaine agricole des populations, est probablement l'instrument le plus efficace dans des régions où la productivité agricole est faible et fluctuante. Et donc c'est vraiment une lecture écologique fautive, hein, celle des colonisateurs. C'est un fantasme, en fait. C'est le fantasme du retour à l'Empire romain, hein, durant lequel, soi-disant, l'Algérie était le grenier de Rome, disait-on. Un endroit extraordinairement fertile. Et on oppose naturellement les Arabes aux Kabyles. Et on les oppose aux Arabes, aux Kabyles, qui eux seraient ceux qui auraient bien géré leur environnement, bien géré leur forêt. On a là aussi un topos, hein, de la colonisation qui oppose le Kabyle industrieux et raisonnable à l'Arabe destructeur et irrationnel. Nous arrivons pour finir à notre contemporain. Il faut tâcher d'expliquer pourquoi les savants, les opinions qui avaient résisté pendant plusieurs décennies en face d'une inquiétude quant au changement climatique, comment ils retrouvent cette inquiétude et d'une certaine façon cette angoisse? Quels ont été les ressorts de cette réémergence? Alors il y a vraiment une réémergence, effectivement, après, disons, la Seconde Guerre mondiale, des inquiétudes sur l'agir climatique humain, cette fois à propos d'autre chose, hein, donc l'agir climatique sur le CO2, avec tout un ensemble de dynamiques, hein. Ça a été étudié, bien étudié par un certain nombre de collègues, dont un historien américain qui s'appelle Paul Edwards, qui a bien montré que c'est très lié aux efforts scientifiques de la guerre froide, avec des investissements immenses dans les sciences de la Terre sous la guerre froide, des réseaux d'observation en mer, sur Terre, des réseaux satellitaires, des masses d'informations énormes, parce que la guerre froide, c'est un moment où la Terre devient un champ de bataille, hein, où il faut connaître parfaitement les océans, parfaitement les sous-sols, parfaitement les montagnes, parfaitement l'atmosphère, parfaitement l'espace pour faire la guerre aux Soviétiques et vice-versa. Ça. La guerre, comme si souvent, fait faire des progrès fantastiques à la science et à la connaissance des choses. Des progrès immenses, hein. On pense aussi au premier ordinateur qui émerge à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été conçu d'abord pour des essais de tir et qui ensuite sera utilisé pour la mise au point de la bombe H, ENIAC, qui va être aussi fondamental, parce que le diagnostic sur le changement climatique, c'est de l'observation, mais c'est aussi l'utilisation des ordinateurs qui sont eux-mêmes de purs produits de l'effort de défense états-unien d'après 1945. Tout ça va faire qu'on va avoir une convergence avec l'émergence aussi d'un institutions onusiennes comme l'Organisation météorologique internationale qui va servir de catalyseur pour créer une science globale du climat. Tous ces processus, hein, qui vont finalement amener à partir des années 1950-60 à un diagnostic de plus en plus solide sur le changement climatique, avec aussi des découvertes clés, notamment l'espoir qui se dissipe, hein, dans les années 50, selon lequel l'océan, de toute façon, absorberait tout le CO2 excédentaire. Ça, c'est un personnage très très important, Roger Revelle, un océanographe américain, qui démontre que non, l'océan va à un moment donné saturer en CO2 et que non, il ne nous sauvera pas. Donc à partir de là, vraiment, les diagnostics sont posés. Et donc les inquiétudes ou les angoisses que vous aviez décrites pour jadis, pour les temps anciens, se retrouvent fondées sur une meilleure connaissance des situations, avec toujours la place des glaciers d'ailleurs, qu'on retrouve continuellement dans cette histoire. Ils devaient se multiplier dans l'esprit de Buffon, puisqu'il y avait refroidissement, et au contraire, aujourd'hui, nous savons quel péril les menace. Tout à fait. Donc, il y a une histoire courte de l'expertise sur le changement climatique lié au CO2. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Dans notre histoire de très long terme, on montre aussi comment des savoirs produits dans le passé, notamment les savoirs de la climatologie historique, sont encore utilisés aujourd'hui pour le diagnostic, cette fois-ci sur le changement climatique causé par le CO2. Donc, notre thèse, c'est aussi que l'histoire des savoirs climatiques n'a pas seulement quelques décennies, mais au contraire à plusieurs siècles, ce qui est un argument, en fait, en faveur de leur solidité. Nos savoirs sur le changement, ils ne datent pas simplement de la guerre froide. Non, on a tout un historique de réflexion sur le sujet, des instruments qui ont été inventés, par exemple les instruments de diagnostic par les bandes vendanges qui ont été inventés dans le passé. Ce n'est pas une façon de relativiser finalement nos savoirs, c'est plutôt une façon pour nous de montrer à quel point ils sont solides, ces savoirs sur le changement, parce qu'ils s'inscrivent dans une histoire politique de long terme qui a vu des débats, des controverses, des tests de résistance continuellement appliqués aux outils de connaissance, qui les a rendus finalement plus solides. En somme, vous nous confirmez, ce qui n'est pas une surprise dans cette émission, que l'intérêt pour le passé, et en particulier celui de cette angoisse devant l'évolution des climats que vous retracez avec Jean-Baptiste Fressoz, que cette recherche, cette curiosité est propre à avoir aussi des efficacités civiques. C'est notre espoir en tant qu'historien. On n'a pas une position militante, on a une position scientifique, mais par contre nous pensons que mieux prendre en compte l'inscription des questionnements climatiques dans des débats politiques, sociaux, culturels et scientifiques permet d'avoir plus de lucidité, de nous dégager de vieilles lunes aussi qui reviennent périodiquement. Par exemple, tout ce qui concerne les effondrements et qui peuvent parfois revêtir des tours assez sinistres, nous permettent d'être aussi plus efficaces et peut-être un point sur lequel je voudrais insister, c'est toujours qu'on retrouve dans ce livre, c'est cette façon de qualifier l'autre comme celui qui ne sait pas gérer l'environnement, qui ne sait pas gérer le climat. Ça donne nous interroger quand on fait ce geste-là de mise en accusation, parce que dans le passé, ça a été beaucoup un geste qui est porté sur les populations rurales, puis sur les colonisés, sur l'Orient et sur l'autre en général. C'est un geste finalement de pouvoir qu'il faut interroger. Eh bien, cette déontologie de la recherche historique me paraît fort opportune. Merci beaucoup Fabien Locher, vous avez publié avec Jean-Baptiste Fressoz, ce livre tout récemment qui s'appelle « Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique ». C'est plutôt dire une histoire de la manière dont le changement climatique a été appréhendé. Du 15e au 20e siècle, dans la collection, la prestigieuse collection « L'univers historique » aux éditions du Seuil. Je signale aussi votre ouvrage plus ancien, 2008, aux presses universitaires de Rennes, qui s'appelait « Le savant et la tempête, étudier l'atmosphère et prévoir le temps ». Au 19e siècle, vous avez dirigé un ouvrage qui s'appelle « La nature en commun, ressources, environnement et communauté en France et dans l'Empire français, 17e-21e siècle », paru chez Chamballan tout récemment en 2020. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, vous savez que vous pourrez écouter, réécouter cette émission jusqu'à ce que ait cessé le réchauffement climatique et vous pourrez la télécharger samedi prochain. Samedi prochain, nous parlerons des messages d'Albert Thibaudet, une figure un peu oubliée à laquelle j'ai eu envie de redonner quelques lustres et je recevrai son biographe Michel Lémarie. Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés des Tchernobyl d'Henri Bambelle. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Yves Lehors, avec à la discothèque François Merlin et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et comme toujours, nous sommes reconnaissants à la documentation et la bibliothèque de Radio France qui nous apporte un appui précieux. Petit à petit, agonise. Sur le fond d'une chanson bien connue de Charles Aznavour, je vous quitte en passant l'antenne à Christine Ockren pour son émission Affaires étrangères. Chante victoire sous le plastique et le béton, la terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout, il met à son gré, à son goût. Le monde sans dessus-dessous, la terre meurt. Où allons-nous?